Rapido 8ème génération, 11ème édition, bonjour et bienvenue. Un sommaire tout simplement et époustouflant, voilà ce que nous vous avons concocté avec, tenez-vous bien, tenez-vous mieux d'ailleurs, je vous devine là de l'autre côté de cette étrange lucarne complètement ahurie, la pupille hagarde, vêtue de quelques pyjamas informes aux couleurs douteuses, vautrez mollement sur vos canapés ou pire encore sur vos poufs, ressaisissez-vous. Grâce à Rapido et grâce à ce sommaire, d'autres sujets duquel j'essayais de vous entretenir juste avant de m'égarer. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Dans un instant, évidemment, Alexandre Devoise, le bien nommé, à la météo. C'est à nous. Bonjour Jean-Michel. Eh bien bonjour, écoutez, la tendance pour cet après-midi, ce sera un temps, n'ayons pas peur des mots, assez pourri, assez horrible sur l'ensemble de la France. Voilà, alors on vous souhaite de passer une excellente après-midi et on vous dit à demain. Eh ben dis donc, à demain. Top générique. Non, on va arrêter. Là les gars, vous vous êtes trompés. Faut pas en rajouter, faut quand même calmer le jeu. Hein. On est à Canal, c'est pas grave, on va la refaire. Top générique. Oh, c'est mieux là. Quel enculé. Et en tournée sur nos plages, François chante les plus gros tubes anglais en français. Rythme, ambiance, avec les portes, light my fire. Viens bébé, allume mon phare. Viens bébé, allume mon phare. Viens bébé, allume mon phare. L'ascenseur qui lit The Dock of the Bay. Assis devant mon poc de lait. Je regarde la peau se former. Scarabée, Lucy in the Sky with Diamonds. Les scarabées, cet été, François pénètre dans la peau des plus grands, dans la compile des tubes anglais, chantée en français. Est-ce qu'il est là, le petit Alex? Non, là aujourd'hui, Michel, je voudrais dire halte là. Halte là, pourquoi? Oui, pourquoi? On a reçu hier des milliards, voire des millions d'appels de téléspectateurs outrés. Outrés, vous ne rêvez pas, Michel. Ma mère m'a appelé, elle m'a dit, c'est dingue. Hier, nous avons fait un petit gag. Et moi, j'ai envie de travailler dans la joie et la bonne humeur, en tout cas. Écoutez, Michel, ce que vous m'avez dit, c'était hier, à la même heure, on y va. Écoutez. Quel con. Voilà, vous ne rêvez pas, vous m'avez dit, oh, quel con. Oui, Michel, vous ne rêvez pas. Mais ça, c'est rien. Là, ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais il est fou, Michel, il est fou. J'ai dit, maman, calme-toi, parce que vous avez dit ça, ensuite, écoutez, c'était hier. Quel enculé. Oui, vous avez bien entendu, Michel. Voilà, alors, moi, je dis, j'ai envie de travailler dans la bonne humeur. Alors, calmos, même si tu déshabilles l'info, doucement. Hein. Bon, allez, salut, à demain. Quel enculé. Des images en couleur avec la caméra. Le public du Chicago Stadium réserve une standing ovation à ses joueurs. C'est à vous couper le souffle. Quelle finale. Barkley, boom. Wow. Get down, clown. Ce sont les 14 secondes les plus importantes de l'année pour les Bulls. Horace Grant sur John Paxson, 3 points. 3 points pour le titre. Qui marque. De John Paxson. 3 secondes et 9 dixièmes. Quel incroyable retournement de situation. Wow. Oh là là, mamma mia. Il a failli toucher le plafond du Chicago Stadium. Oh, c'est génial. Attention. Attention. Oh, c'est pas possible, ça, troisième smash. Oh, tu ne marques pas, ballon qui ricoche. Oh, sur le cercle. Quel incroyable panier de Jordan. Et on sera encore ensemble l'année prochaine. À bientôt. Cinema. Cinema. Show business. Stevie Wonder aurait déclaré « J'aime bien lire le gruyère parce que c'est écrit gros ». Après cette bonne nouvelle, la suite de l'actualité en images.